Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma sœur. Ces derniers temps, tu deviens lourd, tu deviens lourde. Oui, c'est tôt le matin qu'il fallait se réveiller, comme Jésus le faisait. La Bible déclare que chaque matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus allait dans un lieu désert pour prier. Chaque jour, c'est un combat et c'est le matin que tu dois t'approprier de la puissance divine pour affronter les combats et être victorieux. Réveille-toi, nous t'attendons. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Néhémie 7, 61 à 73. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons donc Néhémie chapitre 7 à partir verset 61. Voici ceux qui partirent de Tel Balash, de Tel Archa, de Kérub Adon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les filles de Delaja, les filles de Tobija, les filles de Nekoda, 642. Et parmi les sacrificateurs, les filles de Obaja, les fils de Akot, les filles de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une fille de Barzilaï, les Galadites, et fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Thummim. L'assemblée tout entière était de 42 362 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs de leurs chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or, 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotal. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Amen. Nous avons trois grandes vérités que nous voulons partager. Première vérité, c'est toujours l'importance de l'identité. Ici, l'identité nous permet non seulement de prouver nos origines, mais cela nous permet également d'occuper certaines fonctions dans la société. C'est pour cela qu'il fallait faire le dénombrement. Vous voyez, ici, on a remarqué qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas fournir leurs identités pour prouver leurs origines. Et ils furent exclus du sacerdoce. Donc, même aujourd'hui, dans l'Église, les identités sont importantes. Les identités, il peut s'agir non seulement des identités nationales ou bien de tel village, mais aussi des identités sur le plan même des études. Il y a des fonctions où quelqu'un, pour les occuper, il doit fournir, par exemple, qu'il a tel niveau d'études. Aujourd'hui, je sais que dans nos églises, on n'en tient pas compte, vous voyez. Donc, les papiers sont importants. Aujourd'hui, parfois, lorsqu'on est dans un pays étranger, par exemple, c'est tout à fait normal qu'on vous demande, par exemple, les titres de séjour. Donc, les identités sont à tout point de vue importantes, le papier. Et quand on n'est pas en ordre, on ne peut pas prétendre occuper certaines fonctions. Il est dit ici, au verset 61, « Voici ceux qui partent de Tel Archa, de Kérub Adon et d'Imer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. » C'est-à-dire que c'est à partir des papiers qu'il fallait fournir. Et parmi eux, il y avait même des sacrificateurs, c'est-à-dire c'est aujourd'hui l'équivalent des pasteurs. On dit, bon, tu es pasteur, montre ton identité. Comment tu es devenu pasteur? Tu as étudié où? Comment tu as été appelé? Quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Montre-nous le papier. Vous voyez, on dit, il y avait les sacrificateurs, les filles de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, des Galadites, et qui fut appelée de leur nom. Il y a des gens qui peuvent avoir un nom, tout simplement parce qu'il s'est allié en mariage avec quelqu'un, mais il n'a pas réellement les papiers qui prouvent cette identité. Et il est dit au verset 64, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, vous voyez. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient parmi les sacrificateurs, qui étaient comptés au nombre des serviteurs de Dieu, mais qui n'étaient pas en règle. Et on a pris des mesures conservatoires. On les a exclus du sacerdoce, on dit, jusqu'à ce que les sacrificateurs eût consulté l'Urim et le Thummim pour consulter Dieu, pour que Dieu dise quelque chose de spécial à leur égard. Deuxième vérité, nous devons apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu selon notre rang. Lorsque Néhémie a fini par établir les gens à leur place, l'œuvre de Dieu avait besoin de continuer d'être soutenue. Il y avait le temple, il y avait le culte, c'est pourquoi il y avait besoin des offrandes pour entretenir la maison de Dieu. Il est dit ici, au verset 70, « Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. » Bien-aimé, quand Dieu t'a établi, tu es ministre, tu es un frère en Christ, même si tu n'es pas frère en Christ, mais il a un devoir de donner à l'œuvre de Dieu. Parce que quand on donne là, on reconnaît que ce que l'on possède vient de Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils ont été nommés à des postes de responsabilité, ils oublient même l'œuvre de Dieu. Ils oublient leur pasteur. Ils oublient ceux qui ont prié pour eux. Je parle à quelqu'un ce matin, mon ami. Tu as pris même des engagements. Tu as dit que tu vas soutenir cette radio. Où es-tu? Comment fais-tu profiter à ta radio de tes fonctions que tu as? La radio a besoin des émetteurs pour s'implanter par-ci, par-là. Et il y a des gens dans ce pays qui, à eux seuls, peuvent donner 15 millions pour implanter la radio fréquence vie dans une ville. Mais il y a des gens qui peuvent donner 50 millions, 100 millions dans d'autres choses. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu a besoin des gens qui peuvent donner des dons. Quand on investit dans la maison de Dieu, on sait qu'on est en train de semer dans la banque céleste. Et la Bible nous dit que ce que tu sèmes, tu moissonneras. Vous voyez, il y avait le gouverneur qui a pu donner. Ce sont des choses de valeur. C'est-à-dire que chacun selon ses fonctions et chacun selon son rang. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 500 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Et le verset 71 dit, les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2 200 mines d'argent. Donc chacun donne selon ce qu'il a reçu. Mais il y a un principe, on donne sans contrainte, sans tristesse, mais on donne avec joie. Mais on donne proportionnellement à ce que l'on a reçu. Il y a des gens qui donnent des miettes. Tu as fait une affaire qui t'a donné 100 millions, qui t'a donné 500 millions. Et tu viens donner dans la maison de Dieu, tu viens donner 100 000 francs. Ça représente quoi, mon ami? Par rapport à la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu as une affaire qui a reçu, une affaire qui t'a donné 7 millions, 10 millions. Et tu viens donner, je ne sais pas, quelque chose comme 50 000, comme 30 000. Donc apprenons à donner proportionnellement à la bénédiction que Dieu nous a donnée. Troisième vérité. Dieu a prévu une bénédiction pour chacun de nous. Vous voyez, une fois que les gens se sont établis, nous voyons ici que Dieu a pensé à tout le monde. Et les leaders qui étaient Néhémie, il a pensé à établir tout le monde. Ça montre que Dieu n'oublie personne. Le verset 73 dit, les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. C'est-à-dire que c'est tout le monde. On a pensé même aux hommes de Dieu. C'est vrai qu'on dit que les hommes de Dieu n'avaient pas de part, mais ils avaient des villes de refuge même qui étaient prévues pour eux. On dit les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens. Tout Israël s'établir dans leur ville. C'est-à-dire que

Papa wani oyeswe Azalia wa Papa wani oyeswe Oyeswe le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Jésus m'a sauvé Azalia wa Jésus m'a sauvé Azalia wa Papa wani oyeswe Azalia wa Papa wani oyeswe Jésus m'a sauvé, Papa wani oyeswe, oyeswe ema, ema zaliwa, ema, ema zaliwa. Alléluia. Élève ta voix, bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour sa providence. Te bénissons éternel notre Dieu, toi qui nous as donné ton identité. Sois béni, ô éternel notre Dieu, toi qui as fait de nous tes enfants. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus. Nous t'élèvons pour cela, nous te glorifions. Sois magnifié, toi qui nous as appelés et établis dans ta moisson par pure grâce. Merci pour le sang de Jésus qui nous a lavés et qui continue à nous purifier jour après jour. Merci, ô notre Père, notre Seigneur, toi qui nous acceptes dans le lieu très saint. Nous bénissons ton nom pour cela et nous t'élèvons, nous te glorifions. Ô Père céleste, merci. Notre Père, notre Seigneur, toi qui as une bénédiction pour chacun de nous, nous t'élèvons pour cela, nous te glorifions. Ô notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui nous bénit jour après jour, car tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nous glorifions ton nom, ô notre Père, notre Seigneur, car tes provisions sont inépuisables. Béni sois-tu, ô Père céleste, béni sois-tu, ô le Père des gloires. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière, OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Néhémie 7, 61 à 73. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous venons de voir dans ce passage l'importance des identités qui peuvent nous permettre à prouver nos origines, mais aussi à occuper certaines fonctions. Prions le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à régulariser notre situation. Je vais parler à quelqu'un. Si peut-être tu cherches des papiers, tu es à l'extérieur du pays, tu es en France, tu es aux États-Unis, que Dieu t'accorde cette grâce de trouver les papiers qu'il faut et afin d'être en règle. Oui, dans notre corporation, même dans l'église, que ceux qui occupent des fonctions soient des personnes qui ont des papiers, qui ont des identités, qui ont des papiers, qui prouvent qu'ils sont appelés de Dieu, qu'ils sont formés, que Dieu nous aide à mieux organiser, que le Seigneur aide notre administration au niveau de l'État pour que tous ceux qui s'occupent de l'identification puissent le faire avec sérieux. Et là où les identités sont perdues, que Dieu aide encore à réorganiser les choses au nom de Jésus. Prions le Seigneur. La force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière, opération sur la brèche. Très excellent Père, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, ce matin, ô Père éternel, nous te demandons de recevoir notre prière d'action de grâce, notre prière de reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous ne pouvons pas compter tout ce que tu fais pour nous chaque jour. C'est pourquoi ce matin, une fois de plus, nous ne pouvons que te dire merci. Merci, ô Père éternel, pour toutes tes grandes œuvres. Nous prions, ô Père éternel, pour l'identification des différents responsables de nos communautés. Nous demandons, ô Père éternel, que l'organisation soit faite de telle sorte que chaque membre, chaque responsable dans nos communautés puisse être identifié et puisse être reconnu dans l'administration centrale. Tu n'es pas un Dieu de désordre, mais tu es un Dieu de paix, comme tu le dis dans ta parole. Nous prions pour tous nos frères qui vivent à l'étranger et qui vivent en particulier en Europe, qui n'ont pas de papier. Nous prions pour la régularisation de leur situation dans le nom de Jésus-Christ. Interviens, ô Père éternel, dans leur vie afin qu'ils puissent régulariser leur situation. Et nous prions aussi pour l'identification des différents citoyens et des différents habitants de nos pays, afin qu'ils puissent avoir une référence pour pouvoir mieux s'exprimer, pour pouvoir mieux travailler, pour pouvoir mieux s'épanouir. Merci Père pour toutes les grandes choses que tu fais dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous devons apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu. Prions pour que Dieu nous donne l'esprit de libéralité. Prions particulièrement pour nos frères et sœurs, ceux qui sont élevés en dignité, parfois qui oublient l'œuvre de Dieu, parfois qui donnent seulement dans leur famille politique, mais qui oublient parfois l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui sont élevés en dignité, et que chacun de nous apprenne à donner proportionnellement à ses avoirs. Demandons pardon au Seigneur pour notre cupidité et prions pour qu'il nous libère afin que nous apprenions à donner à l'œuvre de Dieu. Prions le Seigneur. Nous te rendons gloire ce matin, nous te levons ce matin, nous bénissons ton nom ce matin, nous t'acclamons ce matin, nous nous inclinons devant toi parce que l'or et l'argent viennent de toi Seigneur. Comme pouvait dire David dans 1 Chronique 29, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi, notre vie. Notre travail, notre famille, notre santé, notre élévation, surtout la santé que nous avons, les moyens que nous avons, vient de toi Seigneur. Apprends-nous à investir dans ta maison, apprends-nous à investir dans ton œuvre, apprends-nous à investir dans la vie des serviteurs de Dieu, apprends-nous à investir dans la vie des veuves et des orphelins. Nous te demandons de nous donner ce cœur. Dieu Tout-Puissant, ton œuvre doit avancer. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Ces ouvriers doivent être accompagnés par nos dons, par nos offrandes. Sois béni, parce que tu vas susciter ceux-là qui ont le don de libéralité, le don pour accompagner ton œuvre, notre Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation, parce que tu vas susciter des hommes qui vont soutenir cette radio fréquence vie. Louange à toi, au nom de Jésus, amen. Amen. Dieu a prévu une bénédiction pour chacun de nous. Nous voyons que tout le monde a été établi dans les villes. Nous allons prier pour que dans nos familles, nous apprenions à faire les partages. Souvent, quand il y a l'héritage, il y a des problèmes de palabres parce qu'il y a des gens qui sont favorisés, il y a d'autres enfants qu'on oublie. Même dans l'église aujourd'hui, il y a parfois, lorsqu'il y a des dons, il y a des gens qui s'accaparent. Eux-mêmes, ils oublient les autres. Prions pour que nous puissions penser à tout le monde, car les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Prions le Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin encore, nous voulons élever ton nom, nous voulons infiniment te dire merci parce que tu es le Dieu qui bénit ton église, tu es le Dieu qui bénit les familles, tu es le Dieu qui bénit de façon individuelle les hommes et les femmes. Merci pour ta grâce, pour ces multiples bénédictions, pour ces multiples faveurs. Merci parce que tu élèves tes enfants, tu accordes la promotion à tes enfants. Merci pour l'héritage que tu donnes à tes enfants. Mais parmi nous, Seigneur, certains sont ingrats, certains n'aiment pas partager, certains ne sont pas généreux. Même dans l'église, Seigneur, le butin n'est pas, oui, partagé. Dans les familles, on oublie certains. Il y a la concurrence, il y a la méfiance, il y a la défiance, il y a la haine et le mépris. Seigneur, viens au secours de tes enfants qui sont rabroués, qui sont négligés, pourtant qui méritent d'avoir une part dans l'héritage, qui méritent d'avoir aussi leur gain. Merci de te manifester. Merci de toucher les cœurs. Merci, ô Dieu, d'instruire tes enfants à honorer à tous leurs engagements, à leurs vœux, à leurs promesses vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de tes serviteurs, vis-à-vis de leurs frères biologiques, frères en Christ. Nous te glorifions, nous te magnifions, car en Christ, tout est possible à celui qui croit. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Préparez-vous au grand rendez-vous spécial OSB Jéricho 2016. Le jeûne va commencer bientôt et les livrets sur le jeûne sera prêt très bientôt. La date à retenir, c'est le samedi 7 mai 2016 à partir des 9h à l'église centrale des Assemblées de Dieu d'Adjamé. Bonheur conjugal, n'oubliez pas, tous les célibataires, c'est pour ce dimanche 24 avril 2016, au lieu habituel, au CPE. Nous allons poursuivre avec le thème « Combattre l'esprit de Sambala qui s'oppose à votre mariage ». Premier service à 16h, deuxième à 18h. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.